Areto. Si vous voulez venir, Areto en moi, il faut que vous traversez en rivière, escalader en montagne, traverser en chancal, monter en pied coco, y traverser en rivière. Et là où que trouvez-moi, ça vient finir, mâcher à genoux. fequear.